intelligents, ce sont les plus dérangeants. C'est avec eux, soudés et solides comme la soudure, que jusqu'au dernier soupir, on contrera les coups durs. Un jour je partirai, mais mon travail restera. Natural mystique, mec, y'a des choses qu'on n'explique pas. Pourquoi moi, j'ai senti le besoin de faire ça. Pourquoi cette attraction, pourquoi j'ai pesé ce poids. Mais voilà, un matin, le destin fait le malin, me prend par surprise et m'injecte son venin. Mal au pied, je suis crevé, mais les tourneurs veulent tourner. On y va, si je dois mourir, je veux chanter. Déjà 36 ans que j'ai débarqué sur cette terre. 1981 marque la fin de mon ère. Aujourd'hui, j'aurai 60 ans et des poussières. Mais bon, j'ai réussi et j'en suis fier. Eh bien non les amis, Bob Marley n'aurait pas eu 60 ans aujourd'hui, mais bel et bien 70 ans il y a quelques jours. Eh oui, allez notre deuxième chanson et Ne touche pas. Donc toujours de Dana Kill, hein, forcément pour ceux qui n'auraient pas compris ou qui viendraient seulement d'arriver. Nous faisons une émission spéciale Dana Kill. Et du coup, comme je viens de vous le dire, le titre est « Ne touche pas » et vous allez voir, c'est pareil celle-là, elle est juste super bien. C'est parti. Allô ? Yes, Nati, c'est comment chez toi ? Yes, Malik, ça va ? Donc, Dakar, ça se passe ? Cool, man, on est là, on s'approche. Chez moi, c'est cool aussi, mais on t'attend, quand est-ce que tu nous visites, là ? Ben, je sais pas, c'est un peu chaud en ce moment, visa, passeport, paperasse. Encore ? Ben oui. Putain, mais ça s'arrêtera jamais. Ah non, mais ça saoule, mon frère. On fait quoi ? C'est quoi ? Vas-y, check un pilo, je t'envoie un résumé. Ouais, ouais. Oh yeah, yeah, yeah. Oh, alright. Laisse la musique traverser les frontières. Ne touche pas à ma dignité. Ne touche pas à mon identité. Ne touche pas à ma personnalité. Touche pas à mes défauts, mes qualités. Ne touche pas à ma dignité. Ne touche pas à mon identité. Ne touche pas à ma personnalité. Touche pas à mes défauts, mes qualités. Yeah. J'habite un monde parfait, fait de reflets et d'argent. Si tu veux, mon ami, tu peux y entrer maintenant. Pauvres hommes que nous sommes, chacun s'accroche à son destin. Est-ce que vous voyez vivre et faire vivre les siens? Et chez moi tu pourras travailler, il y a tout à y gagner. Argent, amour, célébrité, mais il faudra changer. Ne touche pas de ma mentalité, n'abuse pas de mon hospitalité. Toi retourne d'où tu viens si tu ne sais pas où aller. Moi je peux rester chez moi quand bien même on est divisé. Je ne veux pas de bonheur déguisé. Et si je me bats pour garder mon intimité, c'est que là où tu sais le système est déguisé. Je ne veux pas qu'il m'oblige, qu'il ne me change les idées. D'ailleurs ils font un visa, dis-moi si moi tu vois la galère. Moi je sens le mauvais climat, dis-leur quand même que nous sommes citoyens du monde. Ça devrait rouler puisqu'ils disent que la terre est ronde. Ne touche pas à ma dignité, ne touche pas à mon identité. Ne touche pas à ma personnalité, touche pas à mes défauts, mes qualités. Ne touche pas à ma dignité, ne touche pas à mon identité. Ne touche pas à ma personnalité, touche pas à mes défauts, mes qualités. Yeah. Pas compris, j'accepte tes qualités, ainsi que l'hospitalité que tu m'as toujours témoigné. Mais pour vivre à mes côtés, évoluer sous mes lumières, tu devras faire le nécessaire, puisse le bonheur t'éclabousser. Accepte mes conditions, tu finiras par t'accommoder. La vie est douce de mon côté, viens, mais il faudra changer. Moi je veux vivre simplement, partager des sentiments, mais pas question de changement. Tout ce que tu dis est tentant, mais j'entends trop de cris, j'entends trop de bruit. Je m'attends à ce qu'on me parle d'identité nationale. Trop de frères déjà là-bas, à qui ça fait tant de mal. Je veux bien passer là-bas, juste le temps d'une escale. C'est pas grave, on s'en fout, on est fou et on joue. La chaleur, le soleil, nous on partage tout. Je suis qui je suis et puis je ne bouge pas. Tes choix, tes principes, je les touche pas. S'il y a respect, je reste. Et puis chacun sa destinée.

qu'avec leur énergie déployée à nous ralentir. Hypocrites et parasites finiront par nous voir grandir. Car sûrs de nos valeurs, forts et fiers de nos couleurs, nous restons debout dans l'arène comme le dernier gladiateur. Où sont les parfums sucrés de l'enfance? Où sont-ils passés lorsque tout était facile? Il n'y avait rien à penser. Mais dites-moi, où sont les parfums sucrés de l'enfance? Où sont-ils passés? Tout ce qui était facile est devenu si fragile. À tous ceux qui n'entendent pas, laissez-moi vous le redire. La musique nous a séduits et nous sommes là pour la servir dans toutes les langues. Pouvoir l'explorer sans limite, car lui mettre des frontières serait vouloir la servir. Méfie-toi de l'endroit où la confusion s'invite, car c'est souvent de là que la confiance s'effrite. Je laisse mon âme et ma conscience me dicter ma conduite, car les menteurs et les faux feront des bébés hypocrites. Les parfums sucrés de l'enfance, où sont-ils passés lorsque tout était facile? Il n'y avait rien à penser. Mais dites-moi, où sont les parfums sucrés de l'enfance? Où sont-ils passés? Tout ce qui était facile est devenu si fragile. Lorsqu'il se présente en direct et en vivant, qu'il déploie ses ailes, puis qu'il dévoile ses plans, qu'il ouvre grand sa gueule et fait face à ses militants. Leur destin rattrapera ceux qui tournent avec le vent. Et pris dans les eaux troubles, les jaloux seront impuissants. Tant qu'il y aura des réussites, il y en aura pourtant. Leur destin rattrapera ceux qui tournent avec le vent. Voulait nous enterrer vivants. Eh bien voilà, Mirasta, c'était Hypocrite. Allez, notre prochaine chanson est, je pense, mon... Elle fait partie du top 5 de mes chansons préférées de Nana Kill. C'est Les Vieillards. Eh oui, elle est juste géniale aussi. Je dis trop le mot génial, je dis trop le mot dinguerie. Je dis trop de mots. Oh là, c'est insupportable. Mais bon, c'est dimanche soir, hein, flûte. Bref, Les Vieillards, vous allez voir. Enfin, Les Vieillards, c'est le titre, hein, c'est pas pour vous. Hein. Restez tranquille, hein, c'est le titre. D'accord? Mais vous allez voir, Les Vieillards, le titre de la chanson, et la chanson en elle-même est juste. Ah, dingue, c'est une dinguerie. Voilà ce que c'est, tout simplement. Allez, c'est parti, putain.

vous parle de vraies richesses, non pas de celles dont l'Occident nourrit ses commerces. C'est le dernier endroit sur terre où la vie vous caresse. Y en a-t-il parmi vous que cela intéresse? Sur mon île, il n'y a pas d'emploi, aucun patron, aucun magistrat. Les lois, la police n'existent pas, non. Sur mon île, on ne travaille pas maintenant. À chacun son paradis, à chacun son idéal de vie. À chacun son paradis, à chacun son idéal de vie. À chacun son paradis, à chacun. Eh bien voilà mes rastas, cette émission est déjà finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas cette émission, je la trouve plutôt pas mal, en dimanche soir comme ça, avec un bon Danakil. Je trouve ça plutôt pas mal. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous, une bonne semaine à toutes et à tous. Et puis on se retrouve dimanche prochain à 21h sur Fadjet. Salut tout le monde. D'une longue journée, d'un travail qui n'en finissait pas, je me repose, je me détends et me laisse bercer par le bruit de l'océan. À chacun son paradis.